le volume, négro. Monte, monte, monte plus fort ce son. Oh, je veux que ça explose ta sono. J'nique ta mère et j'prends le popo. Let's go. Viens faire une virée sous le panier. T'as envie de te barrer, moi on va se marrer. Piquer les jambes à l'huile du pauvre gars d'à côté. Suis-moi tes ennemis, je les ferai tomber comme sur un damier. Un fils de pute veut te flinguer, viens derrière moi, je suis armé. Un flic veut t'épingler, compte à trois, il est mort-né. Un coup de poum poum dans les gencives, bien sûr la défensive. Suis-moi jusqu'à l'île Maurice, oh my team. Un trou de balle se moque de toi, je déchaîne l'orage. La rage, je jette la gazinière depuis le cinquième étage. Mes victimes ont écrit atypique avec leur sang et une lâche. Dans une flaque, les putes et les macs, les honnêtes gens sont en cage. Écoute le programme, bien j'suis là. En journée, on se fait des liasses. À minuit, on se fait des tasses. J'ai fait piquer les chiens de la chute. Va où je pars, viens où je vais. Je me casse et je ne reviens jamais, jamais. Vois ce que je crache, je dis ce que je sais. J'écris, je parle, ouais, en vrai, en vrai. Va où je pars, viens où je vais. Je me casse et je ne reviens jamais, jamais. C'est atypique qui te déclare mon fucking rap. Jamais je stopperai, stopperai. Je continue ma route. Je mets ton scoot dans ma soute. Je vais chercher la maille là où y'en a. Viens avec moi en sous-sol ou sur l'Himalaya. Je continue ma route, ma route. Je mets ton scoot dans ma soute, ma soute. Si tu veux voir, tu veux pas, tu peux rester là. Je te préviens si je reviens, mais lâche pas. À 6 ans, tu t'es fait violer. Dis non du violeur, je vais le retrouver. Faire un nœud avec sa bite et lui trouer le cul avec un marteau piqueur. Il est défoncé, enfoncé dans la forêt. Y'a quelques ronces et tes camarades à l'école t'embêtent. J'en prends la cisaille, j'arrive à leur fête. Blac, blac, je coupe toute leur tête. Atypique, pique-nique du chisney. Dans le parc des parcs-mètres. Viens, viens, viens, tu vas te fermer. Va où je pars, viens où je vais. Je me casse et je ne reviens jamais, jamais. Jamais vois ce que je crache, je te dis ce que je sais, j'écris, je parle, ouais, en vrai, va où je pars, viens où je vais, je me casse et je ne reviens jamais, jamais. C'est atypique qui te déclare mon fucking rap, jamais je stopperai. Let's go! C'est qui? Atypique? Mais c'est qui? Atypique? Mais c'est qui? Qui? Atypique? Bah, c'est qui? Atypique? C'est qui? Atypique, c'est qui? Atypique. Ah bon? C'est qui? Atypique. Ok, ok. Tout le monde, tout le monde. Plus les crises enseignent, les crises renseignent. Vois les news de mon règne, je suis fou et j'enseigne. Après la fusillade, je jambe les corps de mes compères. J'ai brûlé les balles, même m'ont fait perdre mes repères. Comment s'en sortir? Du moins le bandeau sur les yeux. Plus d'acide dans le ghetto et canicule sur les vieux. Sois heureux, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans les feux. Peace. Va où je pars, viens où je vais. Je me casse et je ne reviens jamais, jamais. Vois ce que je crache, je te dis ce que je sais. J'écris, je parle, ouais, en vrai. Va où je pars, viens où je vais. Je me casse et je ne reviens jamais, jamais. C'est atypique qui te déclare mon fucking rap. Jamais je stopperai, stopperai. Stopperai, négro, jamais je stopperai. Premier atypique, back. Dans les back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back. Back